Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 63. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 28 janvier 2007, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Opération Escargot, tu es calendrier Pirelli accroché dans ta cabine, tu es permis poids lourd, tu es gros bahut de 15 tonnes, tu es cibiste et tu es aussi... Quelle heure il est ? 9h20. Oh, bah ça va, on est bon, on sera arrivé vers 5h. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es chauffeur routier, donc tu es sympa, bien sûr. Alors, c'est mardi dernier que les premières neiges sont venues recouvrir les routes de France. Et comme d'habitude, plusieurs milliers de chauffeurs routiers ont été bloqués par le froid pendant plusieurs heures. Ainsi, à l'heure où les chauffeurs de gros bahuts vont devoir affronter les difficultés de l'hiver, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, d'embarquer à bord d'un 15 tonnes pour te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle de nos amis les routiers. Donc, pour commencer, de la vie politique à l'univers littéraire, il faut essayer de te démontrer qu'un poids lourd ne sert pas qu'à transporter des marchandises, figure-toi. Ensuite, nous tenterons de décrire ce que peut être la vie quotidienne d'un chauffeur routier. On enchaînera d'ailleurs sur une petite surprise loufoque et foutraque fabriquée par la panique et qui te proposera de rencontrer quelques routiers quelque peu bizarres. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons, en exclusivité bien sûr, les raisons de ce curieux voyage en poids lourd entre Poitiers et Paris qu'ont dû effectuer cette semaine François Hollande et Dominique Strauss-Kahn. Et enfin, te raconter comment Monique et Jean-Claude se sont retrouvés sur la route dans la cabine d'un chauffeur routier le week-end dernier. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et que les cieux soient avec toi. Hit the road, Jack. Don't you come back. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back. Hit the Road Jack, chantait en 1961 Ray Charles, le routier de la soul music. Hit the Road Jack, autrement dit, taille la route Jack, c'est évidemment le slogan de campagne que Nicolas Sarkozy avait initialement proposé à l'UMP pour la présidentielle, mais qui, semble-t-il, a été refusée. Alors, cette semaine, la panique au Mangin Palace a donc décidé de consacrer une émission aux professionnels de la route et du transport, à savoir les camionneurs. Et pour commencer, nous nous sommes demandé à quoi pouvait bien servir un routier. Alors bien sûr, un routier, son boulot, c'est de transporter des marchandises dans son camion, c'est évident pour tout le monde. Mais le chauffeur routier, figure-toi, c'est bien plus qu'un conducteur de 15 tonnes. Le chauffeur routier, haut perché dans sa cabine et qui domine la route, c'est un peu comme une muse qui aurait troqué sa lyre contre un klaxon et sa tunique pour un Marcel. Et apprends, mon ami, que Marguerite Duras, son inspiration, elle ne la trouvait pas au De Mago ou au Café de Flore, mais chez Dédé sur la RN7. À un moment donné, aussi, le chauffeur s'arrêtera dans un routier et il mangera un sandwich. Elle le regarde manger avec beaucoup d'attention et elle lui parle de ses mains. Elle lui dit : je ne supporterai pas qu'un homme me touche avec des mains pareilles. Aussi abîmé, aussi sale. Jamais, jamais. Des mains sales, évidemment, les mains, elles sont sales, toujours sales, évidemment, les mains du routier. Mais le routier, parfois, il sait parfaitement bien se tenir quand il quitte son engin, par exemple, pour aller faire un tour hors du camion à Matignon. France Inter. Moi, Tarzan, toi, Béret. Pittoresque rencontre cet après-midi à l'hôtel Matignon entre le Premier ministre Pierre Bérégovoy et Daniel Leffet, alias Tarzan, le porte-parole des routiers de Gennevilliers que la télévision avait immortalisé pendant le conflit des poids lourds début juillet. Aujourd'hui, Tarzan ne réclame plus la suppression du permis à points, mais il demande au gouvernement la mise en place d'un permis professionnel pour les chauffeurs routiers. À la sortie de Matignon, au micro de Frédéric Barrère, Tarzan avait l'air aussi heureux que s'il avait rencontré Jeanne. Super, super, très intimidé, puis après moi, j'ai été mis en confiance et puis j'ai pu dire les choses que je voulais dire, quoi. Ça s'est bien passé, c'est un homme agréable à parler, il n'y a pas de problème. Monsieur le Premier ministre m'a écouté, il est d'accord avec moi sur beaucoup de choses, mais il faut attendre tout ça, quoi. Ah oui, monsieur Tarzan, c'est sûr qu'il faut attendre, un peu comme une journée de neige quand des centaines de camions sont bloqués. Du coup, pour éviter ces désagréments de la route en hiver, le mieux, c'est d'aller loin de la neige. Plus au sud, je ne sais pas moi, dans le désert par exemple. Mais là, fais gaffe, tu fais la course. 500 connards sur la ligne de départ, 500 couillons dans leur camion. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du ténébré. C'est sûr que les jolis camions du rallye Paris-Dakar, bariolés d'autocollants publicitaires, sont une nuisance au cœur de l'Afrique. Car la place du camion, c'est sur la route et non pas dans les dunes. D'ailleurs, les plus beaux camions, c'est bien connu, ce sont les trucks customisés qui sillonnent les routes des States. Et ici encore, bien plus que de simples transporteurs de marchandises, les chauffeurs routiers sont une force syndicale de premier rang. Les Teamsters, comme on les appelle, comptent aujourd'hui 1 400 000 adhérents, ce qui en fait un des syndicats les plus puissants au monde. Le syndicat des camionneurs, dirigé à partir de la fin des années 50 par le sulfureux Jimmy Hoffa, proche de la mafia et ennemi intime des Kennedy, pouvait bloquer le pays tout entier. Une époque bénie pour les Teamsters des États-Unis qui pouvaient alors rouler sans aucun souci. Sur le siège avant le chauffeur, buvez de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. À la place du mort, un chien loup peut jeter un regard un peu fou sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis ou sur la route 66, les camionneurs du syndicat des Teamsters ont fait trembler le patronat américain par un savant dosage de lutte sociale, d'intimidation musclée et de corruption, le tout organisé par Jimmy Hoffa, donc mystérieusement assassiné en 1975. Et depuis 1998, c'est son fils, dis donc, James Hoffa, qui est à la tête du puissant syndicat. Car les camions sont également un enjeu de pouvoir, mais pas seulement aux États-Unis et pas seulement pour s'enrichir. À chaque fois que nous, à Emmaüs, nous prenons quelqu'un en charge, c'est autant de moins pour vous et pour l'administration. Que demandez-vous aujourd'hui ? L'ancienne gare d'Orsay, pour stocker tous les dons que nous recevons et qui vont bientôt se chiffrer en tonnes. L'hôtel Royal Haussmann ne suffira pas. Je regrette, mon père. Mais la gare sert aujourd'hui d'entrepôt à 200 camions de l'armée. J'allais justement vous les demander aussi pour le transport. Vous allez toujours trop loin. Résultat, grâce à vous, nous sommes assis sur de la dynamite. N'allumez pas la mèche. N'allumez pas la mèche. C'est pourtant ce qu'avait réussi à faire l'abbé Pierre en lançant son célèbre appel durant l'hiver 1954. Emmaüs, ce sont donc des chiffonniers, des centres d'accueil, mais également des centaines de camions dédiés à la solidarité. Car on n'en parle pas assez, mais les camions, ils font aussi des miracles avec leur petit Saint-Christophe accroché au tableau de bord, comme par exemple en Haute-Savoie en août 1980. En Haute-Savoie, on parle déjà du miracle de Cluses. Hier, un camion fou dévale une pente, son chauffeur réussit à sauter. À toute allure, le poids lourd coupe un poteau téléphonique, défonce un chalet et une chapelle avant de pulvériser une voiture en stationnement. Or, deux vieilles dames tricotaient derrière la chapelle. Une grille est tombée sur elles au moment du choc et les a protégées. Légèrement blessées, ces deux grands-mères ont été transportées à l'hôpital et c'est là qu'Antoine Mercier a pu joindre au téléphone l'une d'entre elles, Madame Roche. Nous étions assises au pied de la chapelle. Moi, je tricotais et la mémé Antonio, elle lisait. On a dit, qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce que c'est que ces grabats qui nous tombent sur le nez ? Mais après, on a compris. On pense que c'est un miracle. Que la Vierge nous a protégés. C'est sans aucun doute un miracle. Les deux vieilles ont échappé au camion fou grâce à la Vierge. Ce qui n'est pas le cas des filles pas très jolies qui venaient rôder tous les soirs sur le parking maudit. Je vous raconte l'histoire du parking maudit où venaient rôder tous les soirs des filles pas très jolies devenant belles dans le noir à la faveur de la nuit. Leurs clients étaient chics, en habit, en smoking, propres sur eux sentant le fric, et à l'abri du trafic. Ils ne demandaient qu'un câlin, très rapide et pratique. Moi, mon métier, c'est flic, je sais, je n'ai pas choisi. Et je suis chargé de l'enquête, de ce parking maudit. J'arrive sur les lieux dans le noir, un peu après minuit, et je vois. Je reconnais les filles de ce parking maudit. Elles sont contractuelles le jour, mais gagnent leur vie la nuit. Je ne serai jamais commissaire, je n'ai rien vu, je fuis. Mais j'ai vu... Oh Parking maudit, c'est en 1978 qu'Eddie Mitchell fréquentait ce drôle d'endroit pour une rencontre. Cela dit, encore aujourd'hui, c'est un parking que nos amis routiers connaissent bien. Et oui, après quelques jours passés sur la route loin de chez soi, rien de tel contre un coup de blues, ce maudit parking. Alors maintenant, après avoir démontré qu'un poids lourd a d'autres utilités que celle de transporter uniquement de la marchandise, il est temps désormais, toujours en direct du Manchin Palace, de nous intéresser quelques minutes à la vie quotidienne d'un chauffeur routier. Oui, mon ami, ça ressemble à quoi la vie d'un camionneur ? Alors, quelles sont les occasions qui te sont offertes de croiser l'existence d'un chauffeur routier ? Eh bien, il n'y en a pas 36. En gros, c'est sur l'autoroute. Et là, deux situations s'offrent à toi. Primo, tu Tu es au volant de ta bagnole, calé à 130, peinard, quand tout à coup, devant toi, un 12 tonnes que tu appelles gros cuva se met brusquement à doubler un 18 tonnes. Toi, tu es juste derrière et tu te cramponnes à ta moumoute, le trouillomètre à 250, pensant que tout cela va très mal finir, insultant bien entendu le chauffeur du poids lourd du genre « tu vas gagner quoi là 5 minutes c'est ça, connard hein ?» Seconde occasion pour toi de croiser un routier, c'est la machine à café ou la pompe à essence d'une jolie station-service installée le long de la 4 voies. Là, tu découvres un type, souvent moustachu, gros gabarit, souvent solitaire, qui fume clope sur clope et qui semble avoir l'air épuisé par la vie de forçat que lui fait mener l'univers infernal de la route. D'autant que la vie d'un chauffeur routier commence de très bonne heure, figure-toi. Le jour se lève à peine, je suis déjà debout, et déjà je promène une lame sur mes joues. Et le café qui fume, l'ascenseur qui m'attend et le moteur que j'allume m'aide à prendre lentement, prendre ma place dans le trafic, à prendre ma place dans le trafic. Une fois installé donc dans le trafic de la route, le camionneur doit avaler les kilomètres, c'est son job. Mais il doit faire gaffe de ne pas contrarier son mouchard, alors il roule tranquille, pépère. La matinée se consume et quand il a fait 250 bornes, eh bien déjà là, il n'en peut plus, le routier. Je passerai sûrement pas 15 ans dans mon 15 tonnes. Devant moi sur grand écran, la pluie d'automne. Marcel dort comme un petit roi, je casserai bien une croûte. Est-ce qu'un jour j'aurai un chez moi ? Au bout de la route. Arrive alors l'heure de casser la croûte, justement. En général, les routiers ont leurs adresses. Ils aiment avoir leurs habitudes, comme pour retrouver un semblant de convivialité. Enfin, ils connaissent le personnel du resto, quoi. Ah, dis donc, Lucienne, dis donc à ta patronne de me préparer un sandwich. Il est vrai que la route, ça creuse, c'est comme l'amour. Si je vous disais qu'à moi, ça me donne de vraies fringales, l'amour. Il y en a si tôt fini, c'est une cigarette. Moi, faut que je mange. Ça te pousse à combien de repas par jour, cette petite réaction, hein? Ah, bah vous êtes un peu curieux. Les routiers sont curieux, c'est comme ça. Et puis, très vite, après la pause déjeuner, ils reprennent la route, toujours la route. Cela dit, perdus dans leurs pensées, il arrive parfois qu'en fin d'après-midi, certains détails de la circulation leur échappent totalement. Un accident vraiment étonnant et qui aurait pu se terminer tragiquement. Dans le nord, un camion de paille d'une hauteur exceptionnelle a accroché une ligne téléphonique traversant la route. Le fil brisé revint brusquement en arrière et s'enroula autour du cou d'un cycliste. Celui-ci fut admis étranglé. On le soigne actuellement, il va mieux. Quant au camion, il poursuivit sa route, son chauffeur ne s'étant aperçu de rien. Ah ben oui, c'est sûr, à force de mater les gonzesses dans leur bagnole du haut de leur tour de contrôle, les routiers manquent parfois d'attention. C'est dingue ça. C'est alors qu'après 650 bornes, la nuit finit par recouvrir la chaussée de son obscurité. Et c'est dans ces moments-là que le routier a bien souvent besoin de compagnie, donc il allume sa radio. RTL et Max Meynier vous disent, les routiers sont sympas. Relax, Max. Salut les artistes. Seulement voilà, parfois la radio ne suffit pas à combler la solitude du chauffeur routier, surtout depuis la disparition de Max Meynier. Salut l'artiste. C'est ainsi qu'aux alentours de 23h, le routier clignote à droite et s'engage avec son gros bahut dans ce parking qu'Eddie Mitchell qualifiait tout à l'heure de maudit. Enfin, maudit, c'est vite dit ça aussi. Pour le routier, ce parking, bordel, c'est plutôt le paradis. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange quand leur corps se mélange dans la lumière étrange. Sur le parking des anges, deux anges petits jouent, on fait l'amour. Eh oui, c'est ainsi, la vie du routier n'est faite que d'éphémères, de brefs moments d'humanité chapardés à l'obligation de la route, toujours la route, cette foutue route. Par ailleurs, il faut faire attention, car on dit routier, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des femmes qui conduisent des poids lourds. Eh oui, la camionneuse sensuelle, c'est une réalité, merde. Voyez mes gros biscottos, costauds, avec sa gelée herbace. Et une paire de pectoraux, taureaux, j'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds nickelés. Je fais les pieds au mur comme un échalote, le grand écart et je crache 15 fois. Je vois du gros qui touche, c'est moi la môme qu'elle cache. Alors maintenant, pour enrichir notre enquête de Branquignol sur la vie quotidienne des chauffeurs routiers, il faut, je crois, laisser la parole à certains d'entre eux, foutraques et loufoques, bien entendu. Nous t'avons donc préparé un petit melting pot que nous pourrions intituler « Les routiers sont zarbi », durée 2 minutes 07. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. La radiodiffusion française présente la ronde des routiers. Nom et prénom. Gonflard Amédée. Amédée Gonflard. Profession. Routier. Mais pardon, hein, routier intégral. C'est-à-dire? Bah, dans ma famille, on est routier de père en fils et de fil en aiguille, quoi. Où êtes-vous né? Au kilomètre 112 sur la RN6. Au kil... Oui, dans le Douston de mon père. Votre âge? 56 de moyenne. Quoi? Non, excusez-moi, j'ai tellement de métiers dans le sens, je finis par plus parler que routier. Bien, bien, mais... domicile. Douston. Hein? Oui, bah j'habite dans mon Douston, quoi. J'ai aménagé ma cabine en deux pièces. On fait la cuisine sur le radiateur, on se lave au gazole, bon. On va au... Votre travail consiste en quoi exactement? Le routier a son volant, quitte rapide, n'a jamais, jamais le temps de regarder le firmament. Mais je t'ai dit, ce matin, je me suis pris bec avec un routier. Bah oui, je m'en souviens, j'ai entendu. Je lui ai collé une targette, là, à travers la vitre, quand il était à l'arrêt. Mais tu m'avais pas dit ça, c'est quoi ces conneries? Et maintenant il est là, là, je l'ai vu par la fenêtre des chiottes, là, il m'a attendu toute la journée, il y a ses potes qui arrivent. Tarzan pour Grizzly, les renforts arrivent, on va te l'aplatir ton client, on va lui refaire le colon à la chignole, terminé. La ronde des routiers. La grève des routiers qui n'en finit pas chez nos voisins français, en direct de l'autoroute A7. J'appelle Michael Cull. Michael? Eh oui, Jules-Edouard. Je vous ai bien eu, Michael, ils ont repris le travail depuis 3 jours. C'est là que nous avons rencontré celui que les routiers appellent, avec autant d'estime que d'affection, le prince de la route, un prince débonnaire dont le visage respire la bonté et dont le regard semble suivre une invisible et merveilleuse route. Un prince qui vous accueille en vous disant avec quelle foi le poème de la ronde des routiers. Jean-Pierre Raffarin, un style inimitable. Retrouvez ses plus belles formules en assiette de grand-mère. Le grand classique, la route est droite, mais la pente est forte. Mais aussi, on ne s'arrête pas, on ne recule pas, on avance. Come back to me. Come back to me and all the things you knew. Come back to me. There's a million things we never got to do. I'd like to think of me and you as a little more than what we left behind. It's funny how when things go wrong, my love for you grows stronger every time. And it's so easy letting go. Now that everybody knows, there are times when you're not able to make that joy. Come back to me. Cause baby, I won't make it on my own. Words we chose and the efforts made to put each other down. Your voice, it keeps pursuing me, and I should have acted differently, I know. But every time you get too close, I tend to run away from you, my love. How I miss being part of your. peace you're letting go. Now that everybody knows, there are times when you're not able to make that joy. Come Back to Me chante le groupe norvégien Minor Majority sur son dernier album intitulé Reasons to Hang Around. Come Back to Me, reviens-moi, c'est bien souvent l'appel de la femme du camionneur quand elle voit son mari partir pour Hambourg. Reviens-moi, c'est aussi le cri désespéré d'Helmut à Hambourg quand ce même camionneur rentre en France. Et oui, être chauffeur routier, c'est avoir plusieurs vies. Alors, pour poursuivre notre route dans la cabine d'un 15 tonnes, la panique au Mansion Palace va maintenant te dévoiler à 11h31 une étrange expédition en camion qui a eu lieu lundi dernier. En effet, Ségolène Royal, qui vient d'installer son siège de campagne rue de Solferino à Paris, a demandé à Dominique Strauss-Kahn et à François Hollande de prendre un camion et de lui ramener ses affaires, laissées dans l'hôtel du Conseil régional de Poitou-Charentes, dont elle est présidente. C'est ainsi que lundi dernier, DSK et François Hollande ont quitté Poitiers au volant d'un camion rempli des affaires de Ségolène. Oh, rien d'important, si ce n'est une étrange boîte scellée pour laquelle Ségolène leur a demandé la plus grande attention. Avant de démarrer, DSK accroche alors dans la cabine une décoration personnelle, le calendrier des routiers 2007, avec la photo de Ségolène en maillot de bain bleu, cette photo qui avait fait la une de VSD en août dernier. François Hollande est un peu choqué, mais ces calendriers coquins, c'est une tradition chez les routiers. Et comme le dit DSK... François Hollande laisse donc DSK rêver et ne dit rien. Il préfère mettre une cassette de Johnny Hallyday, histoire d'avoir l'air encore un peu plus routier. Pourtant, au bout de quelques kilomètres, François s'adresse à DSK. Il fait chaud ou froid? Plutôt chaud, pourquoi? Je sais pas, je gèle. T'as pris ton chandail, tu veux le mettre? Non, pas maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Je crois que je suis malade. T'as pas la fièvre, non? Je sais pas, des frissons. C'est mon palu qui me revient. Ah, ça commence bien. C'est clair, ça commence bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de palu? C'est n'importe quoi. DSK propose alors à Hollande un café chaud. Anne Sinclair lui en a préparé un grand thermos le matin même. Il est chaud, mais il bouffe pas. Vaut mieux être prudent. Ah, ben moi, ça va mieux. Si on casse la graine. Déjà? On a fait que 17 km, mon vieux. On commence à prendre du retard, c'est gai. Ils nous attendent là-bas avec la camelotte, tu sais. Oh, dis, hey, on pointe pas, hein. À la fin de l'année, ils viendront pas nous chercher pour les dividendes. C'est donc après seulement 17 km de route que François Hollande et Dominique Strauss-Kahn entrent dans un restaurant de routier qui a l'air très sympa. DSK, il est enchanté de voir ses nappes à carreaux rouges et blancs. Il en avait entendu parler dans les livres, mais il n'en avait jamais vu en vrai. Après un sacré repas à base de charcuterie, de viande et de vin rouge, du Beaujolais pif, nos deux compères reprennent la route et ils sont bien contents, car... Pour traverser toute la France, le seul moyen d'arriver, rouler bourré, rouler bourré, rouler bourré, rouler bourré, rouler bourré. C'est vrai qu'après leur halte repas dans un routier, DSK et Hollande se sentent très en forme et s'apprêtent à repartir sur la route. Pourtant, sur le parking du restaurant, un camion semble en panne, le capot ouvert. Hollande et DSK s'approchent pour proposer leur aide, puisque les routiers, c'est une grande famille, comme chacun sait. Hollande, qui a fait l'ENA, propose alors de regarder le moteur pour le réparer, quoi. Quel est le principe du moteur à explosion ? L'énergie thermique produite par combustion. Tion, tion. Quelle est sa dynamique et ses multiples fonctions? voyons le principe du moteur à explosion. François Hollande se penche donc sur le moteur du camion. Quand, soudain, Arnaud Montebourg surgit du camion en panne. François ne comprend pas. Montebourg a été suspendu de la fonction de porte-parole de Ségolène. Mais que fait-il là donc ? La réponse de Montebourg ne se fait pas attendre. Allez debout les gars. Après le repas, on va faire un peu d'exercice. Mon bahut est en rideau, le tien marche du tonnerre. On va transvaser le chargement. Si je comprends bien, une fois le boulot terminé, tu foutras le camp avec mon camion. Je dis bien mon camion. Alors il y a une chose qu'il faut que tu saches. À partir de ce moment-là, où que tu sois, au Venezuela ou en Seine-et-Oise, je te chercherai. Même si je dois passer des années à ça, et même si je dois y claquer jusqu'à mon dernier rang, je te chercherai. Et je ne ferai que ça. Jusqu'à quand que je te trouve. Et après ? C'est chouette, hein, de tenir une carabine. Meurdement, tu vois, c'est qu'après, hein. Eh ben, tu peux plus la lâcher. Jamais. Dominique Strauss-Kahn et François Hollande se sont donc fait braquer les affaires de Ségolène Royal et surtout ce mystérieux paquet scellé. DSK et Hollande perdent ensuite quelques heures à faire réparer le camion de Montebourg. Alors, quand ils repartent, l'ambiance dans la cabine, c'est plutôt tendue. DSK, pour combler ce silence, allume la radio. C'est l'heure des infos. Et ça tombe bien, car le journaliste ouvre le flash avec une déclaration de Ségolène Royal. Je crois que la France peut puiser dans la meilleure part de son passé des valeurs pour ses combats d'aujourd'hui. Alors je lance un appel aujourd'hui. Vive le Québec ! Vive le Québec libre ! Pour que la France saisisse toutes ses chances, je mesure l'immense responsabilité de ne pas décevoir toutes celles et ceux qui espèrent. François Hollande et Dominique Strauss-Kahn manquent de s'étouffer en entendant la nouvelle bourne de Dame Royale et frôlent l'accident. François attrape alors son téléphone portable et compose le numéro de Ségolène. Dès qu'elle décroche, il lui reproche de dire n'importe quoi dès qu'il n'est plus là et que forcément... J'étais sur la route toute la cette journée. Je n'ai pas vu car c'est certain, si François Hollande pouvait lire dans les pensées de Ségolène, il ne la laisserait pas parler sans la consulter. Mais Ségolène lui répond aussitôt qu'elle sait très bien ce qu'elle fait et que si parfois elle parle sans trop réfléchir, c'est parce que... J'ai un lion dans mon moteur, je fais tout à 200 à l'heure. Il faut que ça carbure à pleine gomme, surtout pour manier les hommes. J'ai un lion dans mon moteur, plus je vais vite et moins j'ai peur. Et même quand il s'agit d'amour, mon cœur part au quart de tour. C'est bien joli tout ça, mais François Hollande demande alors à Dominique Strauss-Kahn d'accélérer, car laisser Ségolène seule, c'est décidément trop dangereux. Alors qu'ils foncent à vive allure sur l'autoroute de Paris, Dominique et François sont tout de même tracassés par le mystérieux paquet volé. En fait, ils ne devraient pas. Dans le paquet scellé que Ségolène souhaitait se faire livrer, il n'y avait que quelques chabichous, les mémoires du général de Gaulle en livre de poche et un guide de conversation en ville. Quand ils l'apprendront, le lendemain, Hollande et DSK, chargés du vin d'hier, ils riront comme baleines. Sur les vitres teintées s'écrasent nos haleines, chargés du vin d'hier. Nous rions comme baleines. La route est une mer qu'aucun rouleau n'agite. Les péages comme des îles balisent notre fuite. Dans un camion, dans la plaine des volumes, à la station service, dans l'air qui nous saisit, sentons nos os craquer, comme nous avons vieilli, comme nous avons roulé, comme nous avons tiré sur nos forces motrices dans un camion. t'attendais pas. Nous ne reviendrons jamais, et triangle à la main, dans le camion teinté, nous boirons tout l'or noir, plutôt que d'arrêter, et passerons sans le voir, dans un feu de forêt. Dans un camion, c'est là que s'imagine Dominica sur un album convoyé par France Inter et intitulé L'Horizon. Parce que, bien entendu, un chauffeur routier dans son camion, hein, qu'est-ce qu'il voit toute la journée ? L'horizon, dis donc. Alors maintenant, bien qu'il soit interdit aux camions de rouler le dimanche, il est grand temps désormais, à 11h42, de retrouver nos deux poids lourds, les increvables Monique et Jean-Claude. Avant tout, il faut savoir que le week-end dernier, ils sont allés rendre visite aux parents de Jean-Claude qui, depuis quelques années, vivent près de Perpignan. Monique et Jean-Claude ont donc pris la route samedi matin vers 10h. Seulement voilà, à quelques kilomètres de Béziers, sur l'A75, la courroie de transmission de la caisse du Jean-Claude semblait défaillir. Au cœur de ce trafic routier intense, Jean-Claude, lui, ne voit qu'une seule solution. Allons doucement, doucement sur la route. Doucement, doucement sur la route. Laissons passer tous les fouets, les camions. Allons doucement, doucement sur la route. Mais bon, malgré sa prudence, rien n'y fait et la voiture du Jean-Claude tombe en rade. Il se gare donc précipitamment sur la bande d'arrêt d'urgence. Quand tout à coup, un gros transporteur de voitures qui roule à vide vient stationner juste devant eux. Le chauffeur routier descend de son camion et leur propose gentiment de les dépanner. En gros, ce chauffeur routier rentre chez lui à 80 bornes d'ici. Et il dit à Jean-Claude qu'il peut installer sa voiture sur son bahut et qu'il pourra lui réparer ce petit pépin à la maison. Jean-Claude accepte volontiers et en plus, ça les rapproche de Perpignan. Les routiers sont vraiment sympas, se dit Jean-Claude. Ainsi, voici que Monique et Jean-Claude se retrouvent donc dans la cabine de Bertrand, chauffeur routier. Et très vite, Bertrand se met alors à raconter à Jean-Claude sa vie de chauffeur routier. Il y a les bourgeoises qui n'aiment que ça, tu sais. Quoi donc ? La route, les camions, la nuit. T'es plus fort qu'elle. T'es le mois dernier, près de Birzon. Une femme élégante, hein, mais vraiment, hein, tailleur noir, des bijoux, des gants jusque-là. Elle monte, viens. 5 minutes après, elle me dit, vous permettez ? Elle bouffe la braguette et elle est donc. Elle enlève même pas ses gants. J'avais du rouge à lèvres partout après. C'était une professionnelle ? Pas du tout. Une bourgeoise, une vraie. Et puis c'est pas la première. C'est dingue ça, se dit Jean-Claude. Peut-être devrait-il envisager une rapide reconversion professionnelle, non ? Assise à côté de lui dans la cabine, Monique n'est pas dupe et lui pince violemment la cuisse, sachant très bien dans quelle pensée lubrique s'est engouffré Jean-Claude. C'est alors que Bertrand, leur chauffeur routier, semble nerveux. Celui-là, je vais me le faire. Depuis le temps que je roule derrière. Avec sa vieille Fiat pourrie. Je vais lui montrer qui je suis. Ça y est, je vais voir, je m'en vais les faire voir. Je suis à côté, je vais le doubler. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouf ! Monique et Jean-Claude sont un peu inquiets. Bertrand roule à plus de 140 avec son 12 tonnes et il lui demande d'être plus prudent, franchement. Bertrand, lui, tente alors de se justifier. Pardon si je suis pressé, c'est que je sous sur la route et moi je rentre à la maison ce soir. Je suis heureux de retrouver tout à l'heure la fille de mon cœur. Et soudain je me sens l'envie d'appuyer sur l'accélérateur. C'est chaud sur la route et moi je rentre à la maison ce soir. Oui, c'est chaud sur la route et moi je rentre à la maison ce soir. Oui, ce soir. Oui, bon ben ok. Mais du calme, lui répète Monique. Elle n'a pas du tout l'intention de voir ce gros bahut devenir son cercueil. Encore que, se taper les parents du Jean-Claude tout le week-end, Monique se dit « faut voir ». Quand, tout à coup, une camionnette de la gendarmerie nationale vient se mettre à la hauteur du camion de Bertrand et lui fait signe de se garer sur le bas-côté. Évidemment, notre ami le routier s'est fait choper par un radar. Si je roule trop vite, c'est que j'ai 5 heures pour faire Paris-Béziers. Explique Bertrand au policier en train de verbaliser. Si vous prenez le camion, qu'est-ce que je vais dire au patron? Ah bah ouais, mais bon, faut pas le prendre sur ce temps-là, monsieur. Vous faites votre métier, je fais mon métier. Hein. Et voilà, Monique et Jean-Claude se retrouvent en compagnie du chauffeur routier dans le panier à salade sur la bande d'arrêt d'urgence. Et visiblement, face aux gendarmes, la situation ne s'arrange pas pour Bertrand. Dites-moi, monsieur. Oui. Vous n'aviez pas un peu bu, non? Quoi? Non, on sait ce que c'est. Vous faites un métier pénible, surtout la nuit. Faut se soutenir, lutter contre le sommeil. Alors, un verre par-ci, un petit café arrosé par-là, hein? C'est pas que ce soit mauvais. Non, mais les réflexes deviennent un peu moins sûrs. On peine après au lieu de peiner avant. Allez, venez, on vous emmène. Ben, mon camion. Pour commencer, on va le mettre en fourrière, votre camion. Fourrière? Ben, eu tout neuf en fourrière, non? Vous êtes pas un peu... Mais nom de Dieu, vous me traitez comme un assassin, ma parole! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bertrand leur promet qu'il n'a rien bu et qu'il n'est pas question que son bahut parte pour la fourrière. C'est à ce moment-là que Jean-Claude sort son permis poids lourd obtenu lors de son service militaire à Baden-Baden, en Allemagne. Jean-Claude explique alors aux gendarmes qu'il va prendre le volant pour accompagner Bertrand chez lui, évitant ainsi la fourrière. Les gendarmes finissent par accepter ce marché et Jean-Claude s'installe au volant. Monique n'en revient pas, Bertrand non plus d'ailleurs. Jean-Claude lui passe tranquillement la première et s'engage sur la 4 voies. Après 30 bornes d'autoroute, Bertrand annonce alors à Jean-Claude, qu'il surnomme dorénavant tout en camion, qu'il faudra prendre la prochaine sortie en direction de Villeneuve-les-Béziers. Ce qui n'est pas sans faire plaisir à Monique et à Jean-Claude. Quitter l'autoroute pour voir les maisons, les saisons, les moissons des villages de France. Quitter l'autoroute pour voir les ruisseaux, les oiseaux, les châteaux. Après avoir quitté l'autoroute, donc, Jean-Claude, toujours au volant de son 12 tonnes, annonce qu'il ferait bien une courte pause pour se soulager la vessie et boire un kawa. Bertrand lui dit qu'il connaît un excellent relais routier à 5 bornes d'ici. Une fois sur place, Monique n'est pas mécontente. Ah putain, ça fait du bien de s'arrêter 5 minutes. J'ai la tête comme ça avec le bruit du moteur. Oh là là, je suis comme une vache. Je suis crade, hein. Je sens pas trop fort. Jean-Claude dit à Monique d'arrêter immédiatement de se la jouer camionneuse, là. C'est ridicule. C'est alors que Bertrand, l'authentique routier, ôte son chandail et se retrouve en Marcel. Et il pavane, bien sûr, avec son biceps tatoué qu'il exhibe devant ses compagnons de fortune. Tu l'avais pas vu, ça, là? Hein? Oh, que c'est beau, ça! Qu'est-ce que c'est? Tu l'avais pas vu, non? Non, je l'avais pas vu. Hein? Oh là là, qu'est-ce que ça représente? Bah là, on te voit bien. Ouais. C'est un cœur, là. Ouais. Là, c'est un beau service militaire. Tu vois, j'ai fait le flèche. Un serpent, ouais. Ah, ouais. Hein, parce que moi, il valait mieux pas m'emmerder. Ouais. Là, ça partait vite. Après, j'ai rajouté, c'est les initiales de ma reine quand on s'est fiancé. Ah, son petit cœur. Ah, elle était contente à ma reine. Mais bon, après cette courte pause au relais routier, il est temps de reprendre la route. Car il reste encore 30 bornes à faire. De retour dans la cabine, Monique est tout en joie de ce périple en poids lourd. La route est longue, écoute Mick Jagger. Après s'être excité quelques minutes sur la musique de camionneur, en réalité, Monique s'effondre de fatigue dans la cabine de ce gros camion. C'est alors que nos deux routiers discutent entre graisseux. Jean-Claude, ému, raconte alors à son nouvel ami Bertrand ses souvenirs de routier sur le célèbre parking maudit, justement. Je roulais sur l'autoroute Nord. Pour me détendre un peu, j'avais décidé de faire le plein et stopper à une station-service. Le temps de passer mes 300 litres de gasoil, j'étais descendu pour me dégourdir les jambes et essuyer mes feux arrière, couverts de boue. C'est en remontant dans ma cabine que je l'ai aperçue. D'où venait-elle? Comment était-elle arrivée là? Je n'ai jamais pu me l'expliquer. Jean-Claude, au volant de son 12 tonnes, réussit à raconter jusqu'au bout son étrange histoire, juste avant d'arriver chez Bertrand. Voilà, fin du convoi exceptionnel. En quelques minutes, la voiture du Jean-Claude fut réparée et il fallait donc déjà reprendre la route pour aller à Perpignan. Cela dit, dans la voiture, Jean-Claude dit à Monique combien il est surpris par le nombre de camions sur la route aujourd'hui. C'est incroyable, non? Lorsqu'il était môme, il se souvient très bien, par exemple, que pour transporter du foin ou de la paille, eh bien, la jeune fille prenait simplement un chariot pour descendre de la montagne. Chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Cinq chômeurs à se lamenter sur notre malheur en se disant qu'on se taperait bien la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne, là qu'elle nous voit vers les murailles et qu'elle nous fait coucou les gens, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Par la taille, puis qu'elle nous emmène sur sa paille, elle nous fait le coup du zeppelin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Ah ben nous on était cinq chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, soin soin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Passer la ferraille, elle nous fit fumer de sa paille. Sacré bon Dieu, que c'était bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. La fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. We'll be right back. chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin, la fille du. La fille du coupeur de juin, c'est le tube poids lourd d'Hubert Félix Thiéphen, chanté en 1974, année même où Max Meynier, l'ami des routiers à la radio, était parvenu à maîtriser un forcené qui, grenade à la main, avait pris d'assaut RTL. Oh oh, sans doute avait-il trop fréquenté la fille du coupeur de joie, celui-là. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre voyage en Marseille, au pays des camionneurs. Du camion de Marguerite Duras au tatouage de Bébert le Graisseux, des poids lourds du PS sur la route au plat du jour des relais routiers et du calendrier de Sego en maillot à Monique et sa musique de camionneur, nous t'avons dressé un panorama subjectif et incomplet, bien sûr, de ce que peut être l'univers viril des chauffeurs routiers. Tout cela étant dit, c'est quoi exactement être chauffeur routier aujourd'hui ? Eh bien, en quelque sorte, c'est être dans une marginalisation. La plupart du temps, les routiers sont loin de chez eux, ils dorment la nuit dans leur camion, ils se rasent dans un seau d'eau sur un parking d'autoroute le matin, les cadences sont épouvantables, c'est donc un métier très dur pour des salaires qui dépassent rarement le SMIC. Au milieu des années 80, président Mitterrand disait d'eux qu'ils étaient les gueux d'aujourd'hui. Il semblerait, 20 ans plus tard, que leur situation ne se soit guère améliorée. La solution serait sans doute qu'ils puissent charger plus souvent leur semi-remorque sur des rails. Cela arrangerait tout le monde, parce que même avec le ferroutage... Les routiers sont tous des gars sympas, ils sont super extra, chouettes sans ça c'est j'en passe. Les routiers, c'est pas du boniment, sont tous de bons vivants, marrants. Les routiers sont tous de bons copains, ils te donnent un coup de main. C'est pas mal ce qu'il me contredira, puis tous les routiers sont sympas. La route est longue, heureusement il y a la radio pour te donner du cœur au boulot. Au moment où t'en as plein d'eau. De joyeux routiers sur un air d'Yvette Horner, maquillé comme un camion volé. Voilà, fin du 63e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié sur la banquette. C'était C'est qui les routiers, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure total foutraque et archi loufoque. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique d'Arnaud Caillé et d'Éric Morin. Merci aussi beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci Flora. Merci aussi à Clarisse Le Gardien, notre stagiaire qui nous quitte ce matin et à qui nous souhaitons une très belle route. Bonne route Clarisse. Pour les Scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc dimanche prochain en direct, mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Vous n'aimez pas rester en panne. C'est parfaitement normal. Vous écoutez France Inter, c'est une très bonne idée. Il est midi.